Chapitre 28e. Cuisine américaine, assemblée du soir, parure, traîneau, amour de l'argent, avertissement d'un collecteur des taxes, été indien, anecdote sur le duc de Saxe-Weimar. En rapportant tout ce que je sais de l'Amérique, je ne dois sûrement pas omettre une partie aussi essentielle que la cuisine. Il y a plusieurs anomalies dans la manière de servir un repas, même sur les premières tables. Mais comme c'est entièrement affaire de coutume, cela ne prouve ni indifférence ni négligence dans une telle besogne. Et il n'importe guère qu'on mette les huiliers sur la table ou sur le buffet et qu'on serve la soupe, les poissons, les pâtés et la salade en ordre orthodoxe. Je crains d'être à peine en état de donner une critique très savante sur ce sujet. Quelques observations générales suffiront donc. La nourriture ordinaire des Américains est copieuse, mais non délicate. Ils consomment une quantité extraordinaire de cochon. Le jambon et les tranches de bœuf paraissent le matin, à midi et le soir. En mangeant, ils mêlent ensemble les choses les plus hétérogènes. J'ai vu manger des huîtres avec des œufs, l'éternel jambon avec une compote de pommes, des tranches de bœuf avec des pêches confites et du poisson salé avec des oignons. Le pain est excellent partout, mais ils en mangent peu, et ils préfèrent, le matin et le soir, des petits pains tout chauds qui ne sont qu'à moitié cuits. Le beurre est passable, mais on y trouve rarement d'aussi bonne crème que celle que produisent les petites laiteries d'Angleterre. Dans le fait, leurs vaches sont mal tenues comparativement aux nôtres. Les légumes ordinaires y sont en grande abondance et fort beaux. Je n'y ai jamais eu de sea kale ni de chou-fleur, et soit faute de soins, soit parce que l'été est trop sec, les légumes verts y durent beaucoup moins longtemps que chez nous. On y mange le maïs sous 20 formes différentes. Tantôt on le sert vert comme des pois, tantôt on le rompt en morceaux quand il est sec, on le fait bouillir et on le sert comme du riz. Ce plat s'appelle hominy. On fait de sa farine au moins une douzaine de gâteaux différents, tous mauvais à mon avis. Cette farine, mêlée dans la proportion d'un tiers à celle de froment, fait le meilleur pain que j'ai jamais goûté. Je n'y ai jamais vu ni turbot, ni saumon, ni morue fraîche. Mais le goujon et la lauze sont excellents. Ils ne connaissent pas l'art de faire les sauces, ni pour le poisson, ni pour quoi que ce soit. Ils ont très peu de ragoût, et je n'en ai jamais goûté aucun qui pût obtenir l'approbation de nos savants. Ils ont un excellent canard sauvage, qu'ils appellent « canvas back », et qui, s'il est bien apprêté, serait préférable au coq de bruyère. Mais leur gibier est fort inférieur au nôtre. Ils n'ont pas de lièvre, et je n'ai pas vu un faisan. Ils ont rarement un second service, avec toutes les tentations ingénieuses qu'il offre de faire un second dîner. Mais il est d'usage général d'avoir un dessert invariablement prononcé « dessert ». On le place sur la table sans ôter la nappe, et il consiste en fruits, en confitures et en crème. Ils ont, et particulièrement les dames, une passion extravagante, je me sers de leurs propres expressions, pour les puddings, les tartes et toute espèce de friandises. Mais ils ne sont pas aussi bons connaisseurs en soupe et en ragoût que les gastronomes d'Europe. Presque tout le monde boit de l'eau à table, et par une étrange contradiction, le pays où l'on boit plus que partout ailleurs est celui où l'on boit le moins en dînant. Les dames prennent rarement plus d'un verre de vin, et la plus grande partie n'en prennent pas du tout. Dans le fait, ce n'est pas dans de joyeux dîners qu'on se livre à la boisson, comme cela est si universellement reconnu, mais c'est en buvant solitairement force petit verre. Le café n'est pas servi immédiatement après le dîner. Il fait partie de l'affaire sérieuse du thé qui vient quelques heures après. Il est rare qu'on voit à dîner une compagnie mélangée d'hommes et de femmes. Et à moins qu'il ne s'y trouve des étrangers, la conversation languit toujours à table. Ce n'est pas, suivant moi, ajouter beaucoup à la bonne ordonnance d'un repas que de placer les dames à un bout de la table et les hommes de l'autre. Il est pourtant très rare que les convives soient rangés différemment. Les grandes réunions du soir sont tout ce qu'il y a de plus ennuyeux. Les hommes font quelquefois une partie de cartes entre eux, mais si quelques femmes jouent, elle ne doit pas jouer d'argent. Point d'écarté, point d'échec, peu de musique, et quelle musique! J'ai entendu quelques nègres qui avaient une bonne voix et qui chantaient en mesure, mais j'ai à peine entendu un Américain blanc, homme ou femme, chanter un air sans détonner avant de l'avoir fini, et je n'ai jamais trouvé la moindre trace de science dans le chant que j'ai entendu dans la société. manger une quantité inconcevable de gâteaux, de glaces et d'huîtres marinées, étaler en soie et en satin la moitié de son revenu, tel paraît être le but principal de leur réunion. Tous les jeunes gens m'ont assuré que les plus agréables réunions sont celles où aucune femme mariée n'est admise. Et je n'ai pas le moindre doute que ce ne soit une vérité. Ces assemblées exclusives ont lieu fréquemment, se prolongent souvent fort tard, et en ces occasions, je crois qu'il est ordinaire de danser. Les dames mariées sont admises dans les bals réguliers, mais elles prennent rarement beaucoup de part à cet amusement. Les rafraîchissements sont toujours dispendieux et servis avec profusion, mais on les prend de la manière la moins agréable possible. J'ai vu plusieurs bals particuliers où nulle dépense n'avait été épargnée et où les hommes étaient à table à souper dans une chambre tandis que les dames en faisaient autant debout dans une autre. Ce que nous appelons pique-nique est infiniment rare et ne réussit presque jamais bien. Les deux sexes peuvent à peine se mélanger ensemble pendant la plus grande partie d'une journée sans beaucoup de contraintes et d'ennuis. Cela est tout à fait contraire à leurs habitudes générales, les hommes ne pouvant en ce cas se livrer avec décence à leurs goûts favoris, qui sont de fumer des cigares et de boire des liqueurs spiritueuses, ni y renoncer de bonne grâce. Les dames ont d'étranges manières d'ajouter à leur charme. Elles se poudrent immodérément le visage, le cou et les bras d'amidon pulvérisé. L'effet qui en résulte est on ne peut plus désagréable en plein jour et n'est favorable dans aucun temps. Elles sont aussi très malheureusement habituées à porter une quantité étonnante de faux cheveux, ce qui est d'autant plus à regretter qu'elles ont en général de très beaux qui leur appartiennent. Je soupçonne que cette mode vient de l'indolence avec laquelle elles font leur toilette et de ce que les femmes de chambre habiles ne sont pas en grand nombre. Il faut moins de peine pour attacher quelques boucles de cheveux par-ci par-là que pour maintenir en bon ordre leurs tresses naturelles. Quoique les dépenses de la parure des dames excèdent de beaucoup, en proportion de leur manière générale de vivre, celle des dames d'Europe, leur mise est très loin d'être de bon goût, si ce n'est à Philadelphie. Elles ne consultent les saisons ni pour les couleurs, ni pour le genre de leur costume. J'ai souvent frissonné en voyant une jeune beauté marcher dans la neige avec un chapeau couleur rose pâle placé sur le sommet de sa tête. J'ai connu une jeune dame dont la jolie petite oreille fut gelée, pour avoir été ainsi exposée à l'air. Jamais elle ne porte ni manchon ni brodequin, et elle semble extrêmement choquée à la vue de bons souliers et de bas de coton, même quand elles ont à aller dans leur traîneau sur la neige et la glace. Elles marchent au milieu de l'hiver, ayant leurs pauvres petits doigts serrés dans des souliers en miniature, hors d'état de résister à la légère humidité qui mouillerait une prime vert. Je dois pourtant dire, pour les excuser, qu'elles ont presque universellement d'extrêmement petits pieds. Elles ne marchent pas bien, et elles ne paraissent jamais à leur avantage quand elles sont en mouvement. Je ne sais d'où cela peut venir, car il y a une foule de maîtres à danser français. Mais c'est un fait. Je croyais souvent trouver un mélange d'affectation et de timidité dans leurs petits pas incertains, et dans la position toujours changeante de leurs mains. Elles ne dansent pas bien. Peut-être, devrais-je dire, qu'elles n'ont pas bon air en dansant. Car, quelques aimables que soient leurs traits, ils ne peuvent, quand elles sont dans une position qui développe toute la personne, indemniser de leur manque de tournure et du défaut universel de leur buste, qui est rarement plein et bien formé. Je n'ai jamais vu un Américain marcher ou se tenir debout avec grâce. Malgré leurs fréquents exercices dans la milice, ils ont presque tous la poitrine enfoncée et les épaules rondes. Cela est peut-être occasionné parce qu'aucun officier n'oserait dire à un frère d'armes né libre « Levez la tête ». Quelle qu'en soit la cause, l'effet est très remarquable pour un étranger. Pour la taille et la physionomie, la grande majorité de la population des deux sexes est d'une beauté frappante. Mais ni les hommes ni les femmes ne savent s'en faire honneur, et la moitié de cette beauté produirait 10 fois plus d'effet partout ailleurs. Rien ne peut excéder leur activité et leur persévérance dans tout genre de spéculation, de métier et d'entreprise qui promettent un résultat pécuniaire avantageux. J'ai entendu un Anglais qui avait résidé longtemps en Amérique déclarer qu'en les suivant, en les rencontrant, en les rejoignant dans les rues, sur les routes, dans les champs, au spectacle, dans les cafés ou chez eux, il n'avait jamais entendu des Américains converser sans que le mot « dollar » fût prononcé. une telle uniformité de but, une telle sympathie de sentiment, ne pourrait, je crois, se trouver ailleurs, si ce n'est dans une fourmilière. Le résultat en est exactement tel qu'on peut le supposer. Cet objet sordide, toujours devant leurs yeux, doit inévitablement produire un ton d'esprit semblable, et ce qui est encore pire, il cautérise la conscience et la rend calleuse sur toutes les questions qui concernent la probité. Je ne connais pas une preuve plus frappante de l'espèce d'immoralité causée par ce désir universel d'argent que la manière dont les Américains parlent des États de la Nouvelle-Angleterre. Ils s'accordent à dire qu'ils offrent un spectacle d'industrie et de prospérité délicieux à voir, et c'est ce district et cette population qu'ils citent constamment comme le plus bel échantillon de leur admirable pays. Cependant, je n'ai jamais trouvé un seul individu dans aucune partie de l'Union qui ne peignit ses habitants de la Nouvelle-Angleterre comme rusés, intéressés, égoïstes et trompeurs. Les Yankees, comme on les appelle, avoueront eux-mêmes, avec un sourire de satisfaction, qu'ils possèdent ces qualités, et ils se vantent qu'aucun autre peuple de la terre ne peut les égaler dans l'art de faire un marché avantageux. Je les ai entendus raconter, sans rougir, des histoires de leurs amis et de leurs compagnons, qui parmi nous, si on les croyait, banniraient à jamais de la société des gens honnêtes, ceux qui en sont les héros. Et tout cela se dit avec un ton de simplicité qui me faisait quelquefois douter que ceux qui parlaient ainsi sussent ce que c'était que l'honneur et la probité. Cependant, les Américains déclarent qu'ils sont le peuple le plus moral de la terre. Combien de fois l'ai-je entendu dire dans la conversation et proclamé dans la chair? Combien de fois l'ai-je lu dans leurs écrits? Cette prétention à une vertu supérieure exige examen, et après 4 ans d'observation attentive et d'enquête sérieuse, je suis sincèrement convaincu que la moralité dans les États-Unis est une monnaie dont le titre est infiniment plus bas qu'en Europe. J'ai eu occasion de parler fréquemment de leurs sentiments religieux, du moins en ce qui concerne la manifestation extérieure, car je ne prétends pas juger le fond des cœurs, mais sans vouloir manquer de charité, je puis me permettre de dire que le protestant en Angleterre et le catholique en France offrent au regard des hommes un aspect moral et religieux infiniment supérieur, tant sous le rapport des observances extérieures que pour les fruits intérieurs que produisent les relations honorables de l'homme avec l'homme. En général, je crois que personne ne sera trompé dans son attente, si l'on visite ce pays en ne croyant y trouver que ce que le sens commun peut apprendre à y chercher, c'est-à-dire un vaste continent dont la plus grande partie est encore dans l'état où la nature l'a laissé, et une population affairée, empressée et industrieuse, s'y frayant laborieusement un chemin. Ce qui ajoute beaucoup à l'intérêt d'un tel spectacle, c'est la facilité merveilleuse que fournissent au commerce intérieur les rivières, les lacs et les canaux qui coupent ce pays dans tous les sens et qui donnent une rapidité sans égale à toutes les spéculations de commerce et d'agriculture. Ce trait remarquable se fait apercevoir dans toutes les parties de l'Union où la population, dans ses progrès rapides, a trouvé à s'étendre, et c'est, je crois, celui qui est le plus saillant et le plus intéressant dans ce pays. Je me rappelle à peine une seule ville où l'on ne voit constamment des navires d'une espèce ou d'une autre en pleine activité. Leurs voitures de tout genre sont fort différentes des nôtres. Celles qui appartiennent à des particuliers semblent faites dans la vue de s'en servir pendant l'été, et elles répondent parfaitement à cette intention, mais elles ne sont nullement commodes en hiver. Leurs charrettes et chariots sont d'une construction très solide, ce qui est indispensable sur les routes qu'elles ont à parcourir. Les diligences sont plus lourdes et moins commodes que celles de France et ne peuvent se comparer à celles de l'Angleterre. Je n'ai jamais vu ce qu'on peut appeler de beaux harnais, ni aucun équipage qui offrit un ensemble complet en considérant la caisse, les chevaux, les harnais et les domestiques. Les traîneaux sont délicieux, et la construction en est si peu coûteuse que je suis surprise que nous n'en ayons pas tous en Angleterre, pour les laisser en réserve en attendant la neige, qui nous tient souvent compagnie assez longtemps pour nous permettre de nous en servir. En général, on se sert des traîneaux le soir beaucoup plus que pendant la journée. Je n'ai pu découvrir pour quelle raison, si ce n'est que tous les hommes sont occupés de leurs affaires pendant la matinée. Rien, certainement, ne peut être plus agréable que de glisser doucement et rapidement, enveloppé dans de bonnes fourrures, la lune brillant presque avec la splendeur du midi, l'air transparent comme le cristal, et la neige étincelant de toutes parts, comme s'il était parsemé de diamants. Et ensuite, le mouvement silencieux des chevaux, si mystérieux, si extraordinaire, le doux tintement de vos clochettes et de celles que vous rencontrez, tout contribue à la fois à calmer et à animer l'esprit. En un mot, je trouvais fort agréable d'aller en traîne le soir, seulement j'aurais voulu en faire autant dans la journée. Presque tous ceux qui demeurent à la campagne ont une voiture qu'ils appellent carriole, nom que je soupçonne être une corruption de celui de carriole, si souvent mentionné dans la jolie histoire canadienne des Mille Montagu. La construction en est certainement assez grossière, mais la voiture est très commode, et avec son impériale épaisse et ses draperies mobiles, elle convient parfaitement à toutes les excursions d'été. Leur bâtiment à vapeur serait une manière délicieuse de voyager, mais on s'en sert rarement pour des excursions de simple amusement, et je ne me souviens pas d'avoir vu des barques de plaisir, proprement dites, dans aucun des endroits nombreux où l'on pourrait les employer avec autant de sûreté que d'agrément. Que de fois je me suis rappelé notre proverbe si connu « Force travail et point de récréation ferait de Jack un sot garçon ». Les Américains sont de très sots garçons. Il s'en faut que nous soyons aussi gais que nos légers voisins de l'autre côté de la Manche. Mais comparés aux Américains, nous sommes des tontons, des toupies. Chaque jour est un congé, chaque soirée une fête. Si les dames avaient tout à fait l'ascendant, peut-être se permettrait-on un peu plus de relâche. Mais leur coutume offre une particularité remarquable qui prévient la possibilité d'une révolution si dangereuse. Peu de dames ont à leur disposition de l'argent comptant. J'ai vu 100 fois présenter à des dames, dans la plus grande aisance, des mémoires montant à quelques dollars, peut-être à un seul, et elles répondaient qu'elles n'avaient pas d'argent, et qu'il fallait que le réclamant s'adressât à leur mari pour être payé. C'est la même chose dans toutes les circonstances où il faut de l'argent comptant, et même dans les boutiques où l'on ne vend pas autrement, elles disent « Envoyez le mémoire avec les marchandises et mon mari vous donnera un mandat sur son banquier ». Je crois que ce fut pendant mon séjour à Washington que je fus informé de l'existence d'un règlement du gouvernement qui me parut curieux. Je vais donc en faire mention ici. Chaque buraliste de la poste aux lettres est tenu de faire une liste contenant les titres de tous les journaux qui arrivent à son bureau pour être envoyés à leur adresse. Cette liste est remise au secrétaire d'État qui, connaissant parfaitement le caractère politique de chaque journal, est ainsi en état de tâter le pouls de tous les membres de ce monstre, le peuple. C'est un moyen bien inventé pour connaître l'opinion politique d'un pays, où les journaux font partie de la nourriture journalière. Mais est-il tout à fait compatible avec une entière liberté? Je ne crois pas que nous ayons recours à un tel moyen pour régler la distribution des places et des emplois. Je crois que ce fut dans l'Indiana qu'il tomba sous la main de M. T., un avertissement imprimé relatif au paiement des contributions. Je l'ai conservé comme un échantillon curieux de la manière dont on raisonne avec les citoyens libres pour les engager à obéir aux lois. Attention, délinquants, ceux qui sont mes débiteurs, pour raison de contributions, d'honoraires, de billets et de comptes courants, sont spécialement requis de passer chez moi pour me payer avant le 1er décembre, au lieu 10 jours, attendu que nul autre délai ne leur sera accordé. Bien des fois, j'étais chez eux, et je leur ai envoyé des avertissements, assez inutilement, mais le moment est arrivé où ma situation exige que je me fasse payer par tous ceux qui me doivent. Il est impossible que je paye le montant des duplicata, des contributions et mes autres dettes, à moins que je ne reçoive ce qui m'est dû. Je ne sais par quelle raison ceux qui doivent des contributions négligent d'en faire le paiement. D'après leur négligence, il semblerait qu'ils pensent que cet argent m'appartient, ou que j'ai des fonds pour acquitter les contributions dues à l'État, et que je puisse attendre jusqu'à ce qu'il leur plaise de payer. Cependant, l'argent n'est pas à moi, et je n'ai pas de fonds pour acquitter les duplicata des contributions. Ma seule ressource est de recevoir ce qui est dû, et en le faisant, je serai fâché d'avoir recours à l'autorité qui m'est donnée par la loi pour faire ce recouvrement. Tout bon citoyen devrait avoir pour premier objet de payer ses contributions, car c'est par ce moyen que le gouvernement est soutenu. À quoi bon imposer des contributions si on ne les reçoit pas? Comptez donc bien que je procéderai au recouvrement conformément à la loi et agissez en conséquence. John Spencer, Collector, le 20 novembre 1828. Nota bene. Le jeudi 27 courant, A. Sinclair et J.O. H. Dunn, Esquire, partent pour Indianapolis. J'invite donc tous ceux qui peuvent payer à le faire, pour me mettre en état d'envoyer la plus forte somme possible, et d'épargner ainsi les 21% qui seront à ma charge après le 8 décembre prochain. J.S. Le premier automne que je passai en Amérique, je fus surprise d'éprouver le retour d'une chaleur forte et étouffante, accompagnée de vapeurs pesantes dans l'air, longtemps après que les chaleurs de l'été étaient passées. Quand cette espèce de phénomène atmosphérique arrive, les Américains disent qu'ils ont l'été indien. Je demandai l'explication de cette phrase, et l'on me dit que ce qu'on appelait l'été indien était occasionné par le feu que les Indiens mettaient au bois, ce qui portait la chaleur et la fumée à une grande distance. Mais on me donna ensuite une autre explication qui me paraît beaucoup plus raisonnable. L'été indien, me dit-on, est ainsi nommé parce qu'à l'époque de l'année où il arrive, les Indiens abandonnent leur cantonnement en village et avancent dans l'intérieur du pays pour se préparer à leur chasse d'hiver. Cette époque semble une ligne de séparation entre la chaleur de l'été et le froid de l'hiver, et la saison encore douce favorise ces migrations. La cause de cette chaleur est la combustion lente des feuilles et des autres matières végétales de leur immense forêt. Ceux qui y ont pénétré dans cette saison de l'année savent parfaitement tout cela. La chaleur se fait sentir aux pieds, et les vapeurs qui montent échauffent tout ce qu'elles touchent, se répandent dans l'atmosphère et remplissent la voûte des cieux d'une chaleur particulière et d'une sorte de fumée. Cette chaleur contre nature explique suffisamment pourquoi l'automne est malsain en Amérique. Elle affecte cruellement les nerfs, même quand la santé continue en général à être bonne. Quant à moi, elle m'était infiniment plus désagréable que les ardeurs brûlantes de la canicule. Peu de temps avant notre arrivée en Amérique, le duc de Saxe-Weimar fit un voyage dans les États-Unis. J'ai entendu beaucoup de personnes parler de ses manières pleines d'amabilité et sans affectation. Cependant, il ne put échapper à la malveillance que toute trace de sentiment noble ne manque jamais d'inspirer aux Américains de la classe ordinaire. Comme une preuve amusante de cette vérité, j'extrais d'un journal ce qui suit. Un correspondant de la Gazette de Charlestown rapporte sur le voyage récent du duc de Saxe-Weimar dans notre pays une anecdote que nous ne nous souvenons pas d'avoir vue ailleurs, quoi qu'on raconte quelque histoire à peu près semblable du véridique capitaine Basil Hall. La scène se passa sur la route entre Augusta et Milledgeville. Il semble que le prévoyant duc avait retenu pour lui et pour sa suite dans la diligence 3 ou 4 places ou même davantage, croyant s'assurer ainsi le monopole de la voiture. Il n'en fut pourtant rien. Un voyageur survint, fit inscrire son nom sur les registres et s'assura d'une place en payant le prix ordinaire. En entrant dans la diligence, le duc, à sa grande surprise, trouva notre voyageur installé à une des places les plus commodes, enveloppé de son grand manteau et ronflant comme un buffle. Le duc, grandement irrité, pensa qu'on lui manquait de respect. Il demanda en mauvais anglais la cause de cette usurpation et il insista, avec le ton d'un prince, quoique, à ce qu'il paraît, en termes peu dignes d'un pareil personnage, pour que l'intrus quittât la place qu'il avait prise si impudemment. Mais le duc avait encore à recevoir sa première leçon de républicanisme. Le conducteur était un de ces hommes qui ne se laissent pas effrayer par le bruit, et il répondit au duc, d'un ton aussi décidé, que le voyageur le valait bien, sinon mieux, et qu'on ne pouvait permettre aucun changement aux arrangements qui avaient été faits. Cette opposition jeta Saxe-Weimar dans un accès d'emportement, son éducation ne lui en ayant jamais laissé éprouver une semblable, et il menaça John de lui appliquer son bambou sur les épaules. C'était une de ces menaces qui, suivant le dialecte de la Géorgie, exposerait un homme à faire le plongeon dans l'eau salée. En conséquence, notre conducteur sauta à bas de son siège, ôta son habit pour se préparer au combat, et appela le prince de 5 acres de terre pour qu'il mît sa menace à exécution. Mais l'homme à croix et à cordon refusa de décider la question de cette manière, et se contenta d'assurer le conducteur furieux qu'il ferait ses plaintes au gouverneur, dès qu'il serait arrivé au siège du gouvernement. Cette menace était presque aussi malheureuse que la première, car elle jeta l'individu à qui elle s'adressait dans cette espèce de fureur qui, quoique réfléchi dans sa rage, ne met aucune borne à sa violence. Il jura que le gouverneur pouvait aller au diable, qu'il ne se souciait pas plus du gouverneur que du duc, et que rien ne l'amusera plus que de bien étrier tout d'une haleine un gouverneur et un duc. Il en était en état, il n'en doutait point, etc. Et allongeant un poing vers la figure du noble seigneur, saisi de surprise et de terreur, il lui donna de l'autre un coup qui le força à s'asseoir à côté du voyageur dont la présence avait causé tant de déplaisir. Disant alors à ceux qui accompagnaient le duc de monter en voiture, il se remit sur son siège et partit en triomphe. Je crois que cette histoire brutale serait révoltante aux yeux du peu de gens policés et ayant voyagé qui se trouvent épars dans les États-Unis, autant qu'elle l'est aux miens. Mais s'ils ne regardent pas la possibilité d'une telle scène comme une dégradation nationale, je ne puis être de leur avis. Les Américains, je parle de la grande masse, n'ont pas plus d'idée de ce qui établit une différence entre eux et ce prince de 5 acres de terre qu'un cheval de charrette n'est en état d'apprécier les qualités de l'élégant coursier qui a remporté le prix de la course. Si le cheval de charrette pouvait parler quand on lui dit de céder la meilleure place de l'écurie à son rival plein de grâce, il répondrait « Un cheval est un cheval ». N'est-ce pas avec la même logique que le transatlantique renverse toute supériorité en disant « Un homme est un homme ». Cette histoire justifie la réponse de Talleyrand à Napoléon, qui lui demandait ce qu'il pensait des Américains. « Sire, dit-il, les Américains sont de fiers cochons et des cochons fiers. »